Bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analyse RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h-23h pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce week-end, l'actualité est assez réjouissante puisque Bordeaux s'est imposé samedi soir au Matmut Atlantique Nouveau Stade René Galice de Bordeaux. 3-0 face au FC Metz. Et une victoire du coup qui relance une victoire cumulée aux deux matchs nuls et de l'OM, et trois même, l'OM, Saint-Etienne, et pourquoi pas Lyon, on en parlera pourquoi pas en deuxième heure, qui relance Bordeaux dans la course à la cinquième place avant de se déplacer à Nantes le week-end prochain. On en parlera évidemment vendredi dans l'avant-match. Donc je vais vous donner le programme de l'émission. On va commencer évidemment avec la traditionnelle question que personne ne se pose, c'est son grand retour depuis trois émissions. L'analyse donc de ce match Bordeaux-Metz, vous aurez les stats. On aura un petit débat, voilà, on parle souvent de la KLM, on focalise beaucoup sur la KLM, à savoir le trio offensif Camano, Laborde, Malcolm, mais est-ce qu'on sous-estime pas un petit peu aussi l'importance du milieu TSV ou VTS, ou je sais pas comment SVT. On peut dire. SVT, ah bah voilà, SVT, voilà. Les passes chirurgiques. Tout la lance sans Carévada est-il sous-estimé? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux et puis on en débattra entre nous. Alors, vous savez que d'habitude, depuis quelques émissions, on a pris l'habitude d'élire. Alors, on n'a pas appelé ça le top, on n'a pas appelé ça le flop, on a appelé ça le bid pour le flop et le banderole pour le top. Sauf que les bids, quand tu gagnes 3-0 à la maison, c'est compliqué d'en trouver. Du coup, on vous propose d'aller voter sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Vous avez le choix entre 4 propositions pour leur bid, le bid, l'arbitre, l'affluence, l'eau qui arrose tout la lande. N'ayant pas vu le match, je ne comprends pas cette réponse. Tu comprendras totalement, voilà. On t'expliquera. Et la réponse D. Me dites pas que c'est de l'eau qui a fait que tout la lande, il avait un bandage. Non. Ah oui, quand même. Non, en fait, il s'est ouvert et sans carré, quand il est allé se faire soigner, il lui a balancé de l'eau sous sa plaie. J'aurais voté pour la touche de Contento, qui était magique. Et si tu l'as pas vu, ça, t'as raté la plus belle touche du monde. Surtout sa surprise après quand l'arbitre lui a dit que... Et pour le bon drôle, pour le meilleur joueur, on a sorti 4 joueurs, Laborde, Vada, Carasso, Malcolm. Vous pouvez voter, il reste 5 minutes sur Twitter. Adrien vous donnera les résultats dans le débrief d'après-match. En deuxième heure, on reviendra en petit récap Ligue 1 très rapide pour parler des résultats de Lyon, de Marseille et de Saint-Etienne, et des autres aussi. Un débat, Bordeaux peut-il aller chercher mieux que la cinquième place et pourquoi pas la quatrième, ou doit-il juste se dire voilà les gars, on fait focus cinquième place cette saison et déjà ça sera pas mal. On a posé aussi un sondage sur Twitter, quelle place pour Bordeaux en fin de saison d'après vous, on vous donnera les résultats. Et le débat au choix, le débat que vous choisissez, on vous donne le choix entre deux débats et c'est vous qui choisissez duquel on débattra. Roland a-t-il perdu sa place de titulaire au profit de Gaëtan Laborde? J'ai envie de dire oui. Et Plasil doit-il être géré l'an prochain comme on l'a fait avec Ulrich Ramé, si tant est que Yaroslav Plasil décide de poursuivre un an de plus? Et on terminera, si on a le temps, par le traditionnel c'est Kiki et la question que personne ne se pose. On accueille nos amis du chat présents ce soir. Bonsoir à vous. Il y a l'ami Rico, toujours fidèle. Salut mon Rico. Il y a Sip et Johan de la Tribune Gold. Bonsoir à vous, curieux bordelaise. Dexter est là aussi, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Che est là également. Et puis on va souhaiter également la bienvenue à tous ceux qui vont petit à petit venir se rajouter. Vous pouvez intervenir en direct dans l'émission pour réagir à tout ce qui va se dire au 05 56 35 31 31. Comme vous l'a dit Clément dans ce petit pré-générique, ma foi, plutôt chaud et sensuel. Et surtout très très ghetto. Voilà, il me reste, je crois pas avoir oublié grand chose, il ne me reste qu'à vous présenter les copains qui sont autour de la table avec moi ce soir. Et on va commencer par, voilà, évidemment, voilà, il est là. Adrien ! Comment ça va, Adrien ? Ça va, bientôt les vacances. Déjà ? Déjà, t'es en vacances la semaine dernière. Non, ça fait 12 semaines, voire plus, que je suis plus en vacances. Et toi, le jour où tu vas bosser, mais ça va te faire bizarre en fait. Wow. Tu sais que quand tu travailles, c'est 5 semaines de vacances et le reste, tu travailles. C'est pas comme à l'école, tu vois, où t'as 5 semaines, tu travailles. Oui, mais d'abord, je vais être au chômage et puis on verra. Ouais, c'est clair. Eh oui. France de demain. Avec nous également ce soir. Comment ça va, Alexis? Tout va bien. Tout va bien, ma foi. Et bon week-end. Bordeaux qui gagne. Oui. J'ai pensé à toi. Oula, qu'est-ce qu'il dit ? Oulas a pris un coup de boule. Oui, alors honnêtement, un coup de coude. Quand j'ai vu, j'ai pas vu le match, donc j'ai quand j'ai vu le résumé, Asue Kuto met un coup de doigt à Ouna, j'ai dit, oh putain, ça va être encore de l'acteur studio. Et au final, bon, il prend vraiment un coup de latte. Alors, il s'est fait siffler en plus. Ah bon ? Non, parce qu'il prend vraiment un coup de latte. On le voit pas sur le virage sud, donc du coup, tout le monde l'a sifflé. Ah oui, parce que, oh putain, c'était devant vous, sérieux ? Mais non, mais en fait, il était de dos, donc du coup, s'il se prend un coup de latte. Ah parce qu'il prend vraiment un bon coup de latte, quand même. Voilà, voilà. Avec nous également ce soir, Thomas. Bonsoir, Thomas. Bonsoir à tous. Comment ça va, mon grand ? Écoute, ça va très bien, et toi ? Ça va, ma foi, bien. Ah ouais, il y a Yoann qui me dit, au fait, Seb, t'as pris des points au jeu des pronos, mais comme t'as pas mis les buteurs, dommage. Oui, alors, je suis... Non, parce que j'avais pas dit 3-0, moi. Je crois que j'avais dit 2-1, il me semble, à l'arrache. Mais j'avais pas pronostiqué 3-0. Et, il nous vient... Il est en représentation exceptionnelle, ce soir. Exactement. Et vendredi, 21h, 23h d'Angers, hein. Il revient de son Madrid, pas natal, mais d'adoption, où il y est depuis, ça fait combien de temps maintenant que 2 ans là. 2 ans, ouais. Et lui aussi, il a son petit jingle au chaud, je garde 2 fois par an. Et ouais, RPZ, comment Fred. Ça va, Louis ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être ici ce soir. Bah écoute, ouais, ça fait plaisir, ouais. Ça fait... Ça fait plaisir de parler des Girondins parce que là-bas on en alors parle. Tiens, est-ce que tu peux suivre un petit peu je regarde tous les matchs sur internet en fait. La Ligue 1 est diffusée un peu en Espagne. Ouais, il y a Bein comme, comme en France, il y a Bein espagnol et donc ils diffusent les matchs surtout du PSG et de PSG, Monaco, normal. Un peu Lyon et Marseille, mais après le reste beaucoup moins. T'arrives quand même un peu ouais mais là avec internet c'est bon, j'ai chopé tous les streams illégaux des Girondins. C'est pas bien. Non, mais bon, ouais, ça fait plaisir, ouais, puis ça doit être un peu... Ça doit être un truc, c'est un truc qu'on a, on a du mal à... Alors si, on sait un petit peu, parce qu'on a pas mal, il y a pas mal de supporters, notamment sur le chat, qui sont expatriés, mais bon, quand t'es en France, t'as toujours, voilà... Mais ça fait un plaisir de revenir. Tu peux toujours faire un petit dep, C'est super de revenir, là, rien que voir le... Alors, je suis pas allé au stade samedi, je suis arrivé samedi soir à De Lyon, donc je peux plus y aller, mais rien de passer devant et tout, ça fait Louis, des petits frissons. Louis, c'est cool. Est-ce que si, à 2 journées de la fin... Ouais. Est-ce que si le Bordeaux-Marseille, si genre c'est le match, genre Bordeaux a 4 points d'avance sur Marseille, genre on gagne, on a 7 points, on est sûr, 2 points, et si on gagne, on est sûr d'être en Europa League ou je sais pas quoi, est-ce que tu viens ? Ouais, bah ouais, mais je vais faire tout. Par contre, tu fais un aller-retour dans le week-end. Je vais faire tout pour être là de toute façon pour le Bordeaux-Marseille, ça c'est sûr et certain. Parce que ça peut être sympathique. Voilà. J'ai envie de taper du Marseillais et du Grégory Sertic. Ouais, mais ça va approcher, hein, ça va arriver, ça va arriver assez vite. Exactement. Alors messieurs, avant de passer au débrief du match, on va se poser la traditionnelle question, puisqu'il n'y a que nous qui nous la posons cette question, et pour cause, puisque c'est la question que personne ne se pose. La question que personne ne se pose. Alors messieurs, dames, la question que personne ne se pose du soir, ben, vous le savez évidemment, ce week-end c'était le retour. Non pas du grand blond avec une chaussure noire. À la limite, ça serait plutôt l'inverse. Oui. putain, elle est pas mal celle-là. Putain, ça m'a. Donc, oui, Cheikh Gabaté. Le petit blond avec une chaussure noire, c'est Sertic. Qu'a pensé Cheikh Diabaté en revenant jouer à Bordeaux, un stade qu'il a quitté il y a à peine une saison. Vous avez 4 propositions possibles. Il est arrivé, il a dit quoi, le stade René Galis ? Pourquoi pas, c'était le Cheikh Diabaté où c'est encogné ? Bah oui, après tout, pourquoi pas. Vous savez que Cheikh Diabaté a un des meilleurs ratios but-match de l'histoire du club quand même. Tout le temps blessé, donc ça aide. C'est vrai qu'il a été beaucoup blessé. Et après, il est très efficace. Donc 55 du coup, buts en à peine plus de 100 matchs, 120 matchs, une connerie comme ça. Que Cheikh Diabaté s'est dit qu'il allait mettre un doublé, mais au Messin. Que les joueurs bordelais avaient rétréci, c'est vrai que j'ai revu le résumé avant le match, il fait la bise à Malcolm et Vada en même temps, alors je sais pas si c'est la caméra qui est basse, tu sais, qui est en contre-champ. Petits. Oh, la vache, mon dieu. Pas à lui, ils sont petits. Ah oui. Mais c'était sympa l'image quand même. Ah oui, c'était cool, ouais. Et qu'est-ce qu'il en a pensé ? Bah rien, car Cheikh Diabaté ne pense jamais, il vit l'instant, il n'est qu'amour. Voilà, c'est Cheikh tel qu'on l'aime. C'est vrai, en vrai. C'est Cheikh nos limites. Ouais. Mais c'est un super bon gars, Diabaté, en vérité. L'interview qu'il avait fait sur Bein, vérité, là, je vous l'ai dit. Incroyable. Non, mais sérieux, c'est un super mec. On avait essayé de tenter de l'avoir et c'est un truc, faudrait vraiment essayer de l'avoir un jour. Parce que ça peut être mythique comme interview. Ah, ça peut être lunaire, ouais. Mais c'est vraiment. Enfin, c'est un mec, t'as pas envie de le détester, Cheikh Diabaté. C'est un truc de fou. Il y a des gars comme ça. Tout. gestes, de ces gestes techniques loupés, de ces frappes. Il y a des trucs comme ça. D'ailleurs, tu sais quoi, il aurait marqué, ça m'aurait rien fait. Bah moi j'aurais été même content, je pense. Oui. Bah, après, attends. S'il y a 3-1, il marque à 3-1, ça va. Il marque à 1-0, 85ème, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord avec toi. Il a 3 ans, mais alors d'une force phénoménale. Ouais. Il va embrasser le maillot marseillais. Ouais. Mais je maintiens ce que je dis depuis 3 mois. Certic, regarde bien, il ne sera pas là. Mais bref, on y reviendra. Vous avez donc jusqu'à 23h pour voter via la page, le site Girondin 33. Vous cliquez sur la petite brève, la page Facebook de l'émission Girondin Analyse. Ou pour les chatteurs, en haut à droite, vous avez l'habitude, le petit onglet gris avec marqué dedans la QQPNSP. C'est bien foutu quand même. Et vous pouvez voter jusqu'à 23h, je donnerai les résultats en fin d'émission, avant ou après le Sikiki, suivant à quel moment j'y pense. Bien, messieurs, et bien écoutez, on va pouvoir se lancer tranquillement sur l'après-match de Metz, match que ni moi ni Thomas n'avons vu, si ce n'est quelques résumés et les trois buts. Alors, on va faire très simple, je vais vous donner les stats et je vais vous lâcher, c'est-à-dire... Là, quelques stades rapides, je les ai même pas... Ah bah alors tiens, tu vois, déjà, je suis étonné, 50-50, la possession. Ah ouais. Pour là où on voit l'utilisation 50%, ce qui est une frappe sur deux. Là où Bordeaux a cadré autant de fois que Metz, une fois de plus, 6, mais a tiré 17 fois. Donc Bordeaux a un moins bon ratio, mais Bordeaux a été plus réaliste que Metz. C'est, n'ayant pas vu le match, c'est ce que je... Bon, après, de mémoire, j'ai pas de souvenir. Ah si, il y a le 1 contre 1 que gagne Carasso. Ils ont pas énormément d'actions cadrées. La barre, c'est pas cadré. Il y a un coup franc de Asso et Koto aussi. En deuxième mi-temps, ils ont 2-3 occasions quand même. Bah, alors expliquez-moi, parce que moi qui ai pas vu le match, j'ai suivi Facebook, j'ai suivi l'équipe, tout ce qui s'est dit, Sud-Ouest, Massin. Et, alors... Il a peut-être été très bon, j'en doute pas une seconde. Et j'entends Carasso 8, 9, mythique, machin, nani, nana. Bah alors, il y a un truc je comprends pas. Gagne 3-0. Il a fait un bon match, il a été présent sur les 2-3 occasions où il était important. Notamment à 1 contre 1, je sais plus contre qui. Mais il y a le 1 contre 1. Il y a 2 1 contre 1, je crois. Il y a un contre Diabaté. Il y a deux grosses parades. Après, disons que ce match, Metz a eu des occasions. Mais en fait, les occasions qu'ils ont eues, on n'a pas tellement tremblé vu que Carasso était dessus. Et disons que ce n'était pas des occasions construites, vraiment, c'était plus des 1 contre 1, des départs à la limite du hors-jeu. Si je peux dire, moi, le premier quart d'heure, excusez-moi, Bordeaux n'a pas vu le jour. J'allais te dire, Alexis, tiens, puis je te lance, puis tu vas donner ton analyse, et puis après tes collègues feront pareil. Bordeaux, au final, n'a pas eu le temps de douter. Avec une ouverture du score très rapide, si, à ce face-à-face, à la 9e. Ouais, mais enfin, on connaît les talents de Diabaté pour faire les grands ponts, donc ça aide. Parce qu'il essaye de faire un grand pont. Ouais, genre, t'étais serein quand tu l'as vu se pointer tout seul face à Carasso. Franchement, vu comment il part, oui. Revois l'action, tu vas voir. Le résumé de la ligue est en cela tellement bien fait qu'il n'y a ni le face-à-face de Diabaté, ni la frappe de Malcolm. C'est affligeant. Donc voilà, après moi, le problème, c'est ça, c'est que Bordeaux, t'as l'impression qu'ils auraient pu enfiler des perles après le premier but, franchement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu avoir 3-4-0 à la mi-temps, c'était pareil. Donc, après, je sais pas, vous qui avez vu le match, mais... Moi, je suis assez d'accord, mais Bordeaux a subi sur le premier quart d'heure, comme beaucoup de matchs de Bordeaux. Montpellier, c'est pareil. Voilà, exactement. Beaucoup de matchs ont subi le premier quart d'heure, et puis après, on marque un but un peu... on sait pas d'où il arrive. Là, c'est Malcolm qui arrive, qui fait une belle frappe. Et après, belle action. On arrive à se détendre et à jouer beaucoup mieux, à être très offensif et à avoir beaucoup d'occasions. Et franchement, heureusement qu'il y a 3-0 parce qu'il peut avoir beaucoup plus. On a gâché encore des occasions quand même assez importantes. Je crois qu'on a tapé 2 ou 3 fois, que ce soit sur les montants, que ce soit sur les barres ou les poteaux. Enfin, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait que 3-0. Alors, outre ce premier quart d'heure assez difficile, on devrait quand même s'imposer plus largement, même si c'est une belle victoire. Mais voilà, on a quand même beaucoup d'occasions. Après, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je trouve que Montpellier nous offre un Montpellier. Metz nous offre encore 2 buts. À lapsus, parce que Montpellier nous offre. Voilà, c'est pas un pareil. Nous offre encore 2 buts. Parce qu'excusez-moi, le pénalty, certes, il y a faute, tout ce que tu veux. Face, il va pas frapper pour marquer, quoi. Bah après, il y a une action litigieuse sur Vada, déjà, juste avant. Mi-temps. Et en première mi-temps, sur Malcolm, déjà, Souekoto fait faute. Et après, le deuxième but, certes, la board prend le ballon dans les pieds du Messin, mais il nous offre le troisième sur un plateau. Donc voilà. Parce que Le truc, c'est qu'on sait, on sait le faire face à des équipes faibles, mais Nice, qui nous a offert 18 occasions, on n'a pas su le faire. Il faut qu'on soit en progression là-dessus. Oui, mais après, c'est ce qui nous sépare d'une équipe qui jouera les 3 premières places. Mais Est-ce que Nice sera dans les 3 premiers l'année prochaine ? J'en suis pas sûr. Suis... Ah, l'année prochaine ou cette année ? L'année prochaine. Ah oui, non. Cette année, c'est sûr. Oui, quand même. Ah, quand même. Mais non, c'est un beau match. Un match qu'on attend d'une équipe qui veut être 4e, 5e. Voilà, c'est dans les standards de Bordeaux depuis le mois de janvier. C'est rassurant par rapport au match de Nice où on n'avait pas été efficace. Même si là, on a un manque de réalisme. Là, on a trois montants encore. Ouais, mais bon, là, c'est au bout d'un moment, si t'as pas de chance. Oui, voilà. Mais après, qu'est-ce qu'on va dire ? On réussit un match, on est assez tranquille. C'est maîtrisé tout ça. Alors oui, on voit pas le jour sur les 15 premières minutes, mais on a un style qui permet de des fois laisser le ballon à l'adversaire ouais, et si de contenir c'est pas petit. En difficulté. Non, mais non, mais on dit ça à chaque juste... fois. Mais arrête, arrête. Et après le match, il nous avait inquiété. Avec tout le respect que je dois à Nguet et Diabaté, si c'est Lacazette et je sais pas qui en face. Ben ils nous ont mis en difficulté que d'aller. On l'a bien vu samedi soir. Oui, non, mais. Mais contre. Mais on avait une inquiétude par rapport au match d'Angers. Mais en fait, je pense qu'il fallait qu'on comprenne que Angers, c'était vraiment bon à domicile, vu le match qu'ils ont réalisé contre Monaco. Avant non. de désolé, poursuivre, juste, nous, on a le, on a notre ami Eric Dagran, le speaker des Girondins, qui nous a appelé pour nous dire que, ben, voilà, il nous saluait, il nous écoutait, et puis voilà, qu'il lui aussi était contre la fusion du Racing. Beaucoup. Non, je déconne. Et que, je vais pas demander. Et que voilà, donc on le salue, on l'embrasse, Eric, merci à lui. Et puis, Qui a fait du bon boulot samedi. On lui met la note de 10 sur 10. Samedi et dimanche. Et dimanche. Parce que dimanche à midi, il était à Colombes pour Racing Pau. C'est ça, il a pas traîné. C'est le mec, il est parti de Bordeaux, il a fait boum. Et... C'est en avion, même pas une heure. Obligé de faire la pub entre chaque. Ouais, moi aussi, je crois qu'il y a un avion. La présentation des équipes. Donc on le salue, Eric, on l'embrasse. Et puis on le retrouvera bientôt, je pense. On espère qu'il boit du cocktail. Incessamment sous peu dans l'émission. Avant Bordeaux-Marseille, serait bien. Alors. Autant vous dire que j'étais au téléphone, j'ai absolument pas du tout suivi ce que vous disiez. Pour une fois que c'était intéressant ce que j'ai dit. Ah bon ? Donc allez-y, continuez, je sais pas du tout où vous en êtes. Donc, non, allez-y. Après pour moi, Metz c'est pas un révélateur. Parce que t'aurais dû leur en mettre 3, tu leur en as mis 3, mais t'as été en difficulté. Moi, on en parlera vendredi, ça sera peut-être plus Nantes à la limite. Tu non vois. Mais ce que je veux dire, c'est que Metz, ils ont pris le tarif qu'ils devaient prendre. Ouais, c'est ça, hein. Ils en avaient pris 3-4 jours avant. Hein, non, mais c'est dans les standards. Mais Non, mais au bout d'un moment, t'as une différence de niveau. Bordeaux et Metz, y a rien à voir. Y a pas à chipoter. Ils ont pris 3-0, ils méritaient ce qu'ils devaient prendre. Y a pas à chipoter dessus. Et Bordeaux devait se racheter par rapport au dernier match contre Nice, où on a manqué de réalisme devant le but, et c'est bien dommage. Et contre Angers aussi, où on a fait une contre-performance. On n'a pas joué une seule minute du match, donc... Oui, elle est importante cette victoire pour se remettre un petit peu dans le bon sens, quoi. Parce que t'imagines, tu contre-performais contre Metz. Et quand je dis contre-performer, c'est pas forcément une défaite, hein, mais un nul à la maison contre Metz, ça équivaut à une défaite, hein, dans la course à l'Europe. Et avant d'aller à Nantes, t'étais quand même pas super bien, quoi. Là, au final, t'as recadré un peu, voilà, t'as remis un peu les choses dans le bon sens, t'as recadré un peu tout, t'as montré aussi aux autres que t'étais là. Voilà, bon, c'est. Ce match était d'autant plus important que nos concurrents directs ont pas réussi à performer en voilà. plus. Et contre pas des grosses équipes, hein. Lyon a perdu contre Lorient, Marseille à Toulouse, enfin c'est pas non plus des top 5. C'est compliqué d'aller gagner à Toulouse quand même. Mais bon, ouais, mais enfin, Toulouse en ce moment c'est moins bien qu'en début de saison, tu vois. Donc, même Lorient qui gagne 4-1 contre Lyon, enfin voilà, franchement, et Saint-Etienne. Moi ça m'a fait ma soirée perso. Saint-Etienne qui coule de plus en plus de chaque de journée en journée. Saint-Etienne qui a galéré, enfin galéré, ils ont dominé, mais. Ouais, mais toutes les semaines ils galèrent quand même. Mais voilà. Que ce soit contre Nantes ou Dijon ou n'importe qui, toutes les semaines. Les enfants, je vous en parlerai en dans le vendredi, mais il y a Marseille-Saint-Etienne dimanche. Saint-Etienne-Marseille ou Marseille-Saint-Etienne. Un petit nul, ça serait bien. Et un petit nul, ça serait pas dégueu. Ouais. Un petit nul. Si tant est que tu gagnes à Nantes. Mais on va y aller. Sur le match, quelle heure il est ? 21h21, on a encore un peu le temps. On va peut-être pas parler de suite de la KLM et de. Camano en dessous. On te tout. Suit. Mais oui, bon, Camano, je voulais justement en parler. Ah, bah alors, allons-y si tu veux. Alors que j'ai pas pu en parler avant parce que j'étais pas là. Mais il a eu la note de 5. Hein, j'ai trouvé oui. Très bon en fait, jusqu'à Nice, où il s'est complètement éteint, enfin pas éteint parce qu'il était, il était présent. J'étais là longtemps. mais il était présent, mais très peu efficace, voire inefficace. Enfin, c'était le chamac de ses débuts. Et là, je l'ai trouvé absent, complètement absent. Il a un éclair de génie sur cette frappe magnifique, sur sa classique maintenant parce qu'il le fait quasiment. C'est ça, il rentre sur l'intérieur là. Il enroule, ouais. Châteauroux s'était rentré. Bon, mais s'il le met, on dit il sauve son match quoi. Ouais, mais à part ça, rien. Il a d'habitude il participait au jeu. Je me rappelle un match contre Guingamp où il était omniprésent partout. Je crois que sur le premier but, finalement, ça part de son côté, il décale et. Bah écoute, je vais le revoir dessus. Oui, enfin d'accord, c'est pas lui qui fait le but. Non, mais après, il y a une question. Il est peut-être pas décisif. Mais finalement, mais sans être décisif, il y participe beaucoup au jeu quand même. Mais même contre Nice, on dit même s'il se rate, après dans le jeu, il était là. Sur son côté, c'est un joueur qui va garder qui peut garder le ballon et tout ça, et qui peut décaler après. Et là, sur ce coup, c'est. Oui, t'as raison. Sur le premier, c'est lui qui ouvre sur Vada. C'est la passe de Vada qui ouvre quand même. Sur, Mais après, ça va être des périodes. Je vous rappelez-vous quand Camano était vraiment au-dessus. Malcolm, et on le voyait un peu moins. Ouais, mais il participait quand même toujours au jeu, Malcolm. Un but, pardon, mais je ne l'ai pas trouvé. Ah, il a une barre. J'ai trouvé quand même beaucoup plus fort que Camano. Bon, oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que j'ai employé peut-être une phrase bâtarde, mais peut-être que Camano, il est rentré dans une zone de confort. Et que de remettre Roland titulaire dimanche, c'est une supposition. Parce que contre Angers, je suis désolé, le double changement, on en a parlé vendredi, le double changement totalement incompréhensible, la rentrée de Malcolm et Camano, je suis désolé, contre Angers. Non seulement elles n'apportent rien, mais elles apportent quoi? Ils rentrent, il y a un partout, ils sortent, il y a 2-1. Non, elles apportent quoi? Deux fois, il offre des occasions à Roland. Non, il apporte pas grand chose. Et il offre. Franchement, revoyez le résumé. Deux fois, il centre pour Roland, qui a plus qu'à ajuster des plaques. Je le dis, il apporte rien. Sur le match, moi, les rentrées, elles n'ont servi à rien. Mais c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'espère que son match à Nice, ça l'a pas flingué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il en a tellement chié contre Nice, pour être poli. J'espère que ça lui a pas mis un peu la tête sous l'eau à Camano. Non, c'est pas ça. C'est que Camano, voilà, c'est sa première saison assez complète. Et voilà, il a un petit coup de mou. Faut pas oublier qu'il a pas joué une seule minute du début de la saison. Ouais, il a un petit coup de mou, mais peut-être que voilà, c'est passager. Tu vois, peut-être que ça, ça va se reprendre là sur la fin de saison. Mais c'est normal. En tout cas, pour moi, il reste loin devant Ounas et Menez. Il y a pas photo. Les enfants, je suis en train de revoir les buts. C'est vrai que le pauvre. C'est pas les deux noms que j'ai cités, moi. Hein, c'est vrai. Le pauvre. Alors, on va parler de Metz deux secondes, mais le pauvre Assou et Koto. Entre le premier but où il laisse Malcolm frapper, entre le deuxième où il provoque le péno, entre son expulsion, il a passé une sale soirée quand même. Ouais, après, c'est pas un super joueur, hein, que ce soit au niveau de l'état d'esprit et tout. Assou Ekoto, il est connu de toute façon pour être quand même. Oh là, Malcolm, il lui laisse 5-10 mètres quoi, pour frapper. Il le laisse vraiment. D'ailleurs, je suis étonné qu'il soit à Metz parce qu'il doit pas gagner des 1000 et des 100 quand même. Non. Non, mais il termine sa carrière tranquillement. Je suis en train de regarder les stats de Camano. Ouais, Camano, c'est pas la folie quand même. Il touche 20 ballons, il en gagne 3, il en perd 11. Alors, certes, son poste fait que forcément un attaquant perdra toujours plus ratio, de ballons qu'il en gagnera. Le ratio est quand même énorme. Hein. Mais là, ça fait quasiment mais un bon match. Je vois pas comment on peut dire qu'il fait un bon match. Si on parlait des beats tout à l'heure et qu'il devait être un beat, pour moi, c'est le beat de la soirée. Ouais. Des trois offensifs, c'est le moins bon. Parce que même Laborde, qui était un peu plus discret que d'habitude, il a quand même vachement pesé sur la défense, fait les appels. Voilà. Donc et il fait une super frappe que le gardien sort très bien. Oui, en plus. Je vais vous poser une petite question sur la. Puis après, on passera au débat sur la KLM moi et la TSP et la TSV. Bah vas-y, dis-le alors. Moi, ça n'a rien à voir avec les attaquants. Mais quel match de Diego Contento encore. Ah ben, oui. Ça tombe bien parce que j'allais vous poser une question sur la défense. La renaissance d'un joueur. Alors, ah oui, pas spécifiquement sur Contento, mais n'ayant pas vu le match, cette défense Sabali Contento Levchuk Palois, est-ce qu'on peut se dire ça y est, Bordeaux oui, alors clairement. Ça fait chier parce que Sabali restera peut-être pas, mais. Et Levchuk est très très bon en plus. Ouais, mais enfin, Levchuk, il peut te faire un pénalty à la con. Ouais, mais il a quand même été très bon contre Metz. Enfin, je trouve très bon. Comment ils se sont. Qui était au marquage de Cheick Diabaté? Est-ce que c'était Palois ou Levchuk? Et qui a été très bon d'ailleurs. Et comment ils ont réussi à le tenir? Souvent sur la vitesse en plus. Parce qu'on sait que Cheick Diabaté, c'est quand même un défenseur qui pèse énormément physiquement sur une défense. Mais il a pas beaucoup existé justement. C'est là. Il a bien joué, mais c'était quel duel pour être pour le voir de près. Notamment Palois, je le trouvais très bon et très. Il le devançait à chaque fois en fait. Parce que qui mieux que Nicolas Palois pour gérer Cheick Diabaté, mais en même temps qui mieux que Cheick Diabaté pour gérer Nicolas Palois. Tu veux dire qu'ils sont entraînés ensemble, tout ça. Bah oui. Excusez-moi, on en parlera peut-être en fin de saison ou après Marseille quand on sera qualifié officiellement en Coupe d'Europe. Mais ou avant, on va savoir. Ou avant, avec mais un peu de chance. Je pense que ça jouera là. Je pense qu'au lieu de parler d'un gardien de but ou autre, il faudra recruter un défenseur supplémentaire. Et un défenseur central supplémentaire. Tu vas récupérer Gilbert, tu vas récupérer Yamberé. Ouais. Tu vas garder Yamberé pour jouer la Coupe d'Europe. Ah, si tu gardes pas Jovanovic, oui, il faudra recruter. Mais si tu gardes Jovanovic, pas loin d'être chaud. N'oublie pas que Bordeaux a déjà fait un grand ménage l'été dernier et ils vont continuer à le faire. Donc Yamberé, c'est sûr. Allez, à 90% qu'il va pas rester. Dans tous les cas, au pire des cas, il jouera pas, il t'apprend le banc. Il y a un nouveau coach, camarade. Puis basta. On oublie quand même. Non, mais arrête, le nouveau coach, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il a envoyé à la Polynicosie ou je sais pas où là. Mais il a raison pour. Oui, non, mais ça, non, pour mais vous, voilà, Bordeaux a sa défense. On sait que Gaïd est capable aussi de remplacer Sabali au pied levé, il n'y a pas de problème. On sait que de l'autre côté, au pire, il y a Pelnard et au pire, il y a Pungé si vraiment. Mais c'est vrai que Contento. Alors, tiens, voilà. T'as raison, Alexis, on va en parler un petit peu quand même de Contento. Il va se faire prolonger ou ça se passe comment? Je sais même pas quand c'est qu'il arrive en fin de. Là, je crois. Ou l'an prochain, je sais plus. Un an et demi. Ouais, un an. Parce que, honnêtement, ce garçon, à plus ou moins juste titre, et Marc parlait souvent de Contento bashing, il avait raison. Ce garçon, à plus ou moins juste titre, s'est souvent fait taper sur la tronche à Bordeaux. Des fois à juste titre parce qu'il était pas bon. Souvent à juste titre. Et souvent, fois aussi je trouve parce que comme à l'époque Basto ou des gars comme ça, c'était la mode de taper sur Contento parce qu'il fallait taper sur un mec. Mais non. Honnêtement là, il est quasiment irréprochable depuis depuis janvier quoi. Mais rappelez-vous d'une chose l'an dernier, on était encore sur Sagnol. Septembre octobre, il est passé complètement à la ramasse complète. Il faisait des matchs en CFA, il était même pas terrible. Il est revenu novembre, décembre, janvier. Il était très bien. Et après, il s'est blessé. Donc c'est un joueur qui a des passages à vide, il faut faire avec. Mais aujourd'hui, il est indiscutable. Là, là à gauche, que ça soit le petit Pungé ou le petit Pelnard, à part un rôle de doublure, je vois pas ce qu'ils peuvent espérer. Tu parles de fin de contrat, Pelnard est en fin de contrat. Déjà ? Oui. Mais il sera pas prolongé. Non. Ah, moi j'aimerais bien quand même. Parce que... Non, bah, vu que t'as prolongé Pungé déjà... Voilà. Mais il n'y a rien qui t'empêche de le vendre, hein. C'est pas parce qu'il est prolongé qu'il est un débat. Ah oui, non, mais vendre, mais en tout cas, il restera pas ou dans tous les cas. Bien, messieurs, Adrien, on en est où au niveau des sondages Twitter? C'est bouclé, c'est pas bouclé Ça doit être bouclé, normalement. Oui, bah tu sais que c'est un petit peu ton. Mais je vais regarder ça. Je vais regarder ça, effectivement. Alors, toujours en retard celui-là. Toujours. On a quoi là? On a du. Alors attends, on avait quoi comme sondage? On avait. Normalement, tu dois voir les résultats. Qui est chaud pour aller voir? Non, ça c'est autre chose. Bon, pour rien vous cacher, on avait peut-être pensé aller à Nantes, l'équipe de GA, aller à Nantes ça, dimanche, et puis bon, interdit, l'interdiction de déplacement est tombée, donc du coup, elle ira pas. Non, je te promets, je comprends rien à votre Twitter là. Bref, je vais pas dire le mot. Je regarde ça tout de suite. J'ai l'arbitre, machin, le truc. Je clique dessus, y a pas de résultat quoi. Donc je sais pas comment ça marche votre machin là, mais j'y comprends rien. Tiens, tu vas commencer, Adrien, par nous parler. Évidemment, j'ai plus le programme. Tu vas commencer à nous parler de. On avait posé quoi comme truc. Ah, bah si, voilà. Tu nous sortiras le sondage sur la KLM, mais juste avant qu'on fasse le débat. Tiens, je vais donner les notes, les moyennes de l'équipe de Gérone Analyse et on va élire le banderole et le bid. Alors le bid, vous verrez, c'est pas un joueur, puisque bon, on s'est dit, allez, on gagne 3-0. Mmh. Même si Louis a raison, on aurait peut-être pu mettre Camalo, mais bon. En exagérant. Je trouve que c'était le moins bon. Alors l'équipe. Les moyennes, alors Marc, c'est très gentil mon garçon, mais il faut arrêter de faire des moyennes à 7,63 et... et 6,38, hein. Donc on va arrondir. Donc Carasso a eu la note de 7,5, Sabali 6,5, Levchuk 6 on va dire, hein, parce que c'est plus proche de 6 que de 5,5, Palois 5,5, Contento 6,5, Toulalan 7, Sankaré 6,7 même, Vada 8, oh putain, Vada les gars 8,5, vous êtes pas un peu chauffés là? Non, buts, une passe D. Enfin, voilà. 8,5 hein. Non, mais deux buts, une passe au bout d'un moment. Hein. Quand un joueur te plante un triplé, tu vas dire... Ouais. 9. Allez, pourquoi pas. Malcolm, 7,5. Camano, 5. Laborde, 7,5. Et Onas a été noté. Alors, pourquoi que lui est pas là? Il y a eu des champions. Qui est rentré? Et si Plaza, il est rentré, je crois. Note artistique, Onas, 10 pour sa chute. Non, mais apparemment, il a eu vraiment mal. Il a joué longtemps, Onas? Non, il s'est nié. Un quart d'heure. Oui, voilà. Monsieur Parent l'a noté comme ça, pour le plaisir. D'accord. Alors, Adrien, donne-nous les résultats. Alors. À moins que je les ai. Bah vas-y, dis-nous quand même. Non mais vas-y, à toi l'honneur. Ah bah non, c'est ton délire. C'est mon délire, ok. C'est ton délire, Twitter. Alors, et compagnie. Alors, le dernier, le quatrième, Laborde, 11%, alors, qui a fait une passe attends. Rappelle quand même aux gens qu'il y avait le choix entre 4 joueurs. Laborde, Vada, ouais. Camano, Carasso et Malcolm. Donc le dernier joueur pour lequel les gens ont le moins voté pour lire le banderole. 11% des voix. C'est Gaëtan Laborde. Laborde. Ensuite, ça se joue à rien. Oui. Avec, le troisième. Oui. Carasso, 12%. 12% des voix. Et donc, ils sont au second tour. Malcolm, 20%. Et Vada, 58%. C'est un plébiscite. Donc, il n'y a pas de second tour. Il n'y a pas de second tour. Hein, alors là, c'est à l'africaine. Vada, ouais, c'est le Jean Lassalle direct. Des Girondins. Donc, Vada, vous êtes d'accord sur ce que les gens ont. Sur ce que les gens ont... Oui. Grosso modo, Vada, c'était Vada, l'homme de Malcolm était au-dessus. Et puis, après, voilà. Moi, je pense qu'on met le meilleur note à Vada au niveau statistique. Mais si on regarde le match à proprement dit, j'aurais mieux noté Malcolm, mais chacun fait ce qu'il veut. Pour ce qui est du bid, alors on n'a pas mis de joueurs, on a mis 4 autres réponses, dont 2 sont très, très, très, très approximatives. L'arbitre, alors apparemment l'arbitrage, on va reparler 2 secondes, qui a été, de ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai lu, un petit peu chelou. C'était la première fois que j'étais aussi près du terrain. Ça veut dire que c'était au ça second fait bizarre rang, de venir quoi. Au stade. Oui. Non, mais c'était. c'est rigolo ça. C'est rigolo. Dis-moi, tu vas pas à Bordeaux-Metz parce qu'il n'y a pas un pack pour Marseille par hasard ? Non, parce que j'ai amené de nouveaux supporters bientôt. Ah. Espérons-le. Des petits basques. Ce n'est pas un fromage, c'est des gens. Et donc, j'ai vu les réactions de l'arbitre. Et c'était marrant, à un moment il s'est fait siffler et tout, et je voyais qu'il regardait les gars qui étaient juste à côté, il leur disait non et il était explosé. J'ai écouté le début du match à la radio, quand je vois qu'au bout de 5 minutes il y a déjà 2 jaunes, je me dis oui. C'était l'air. Violent. La soirée elle peut être longue quand même. Oui, mais bon, c'est bien passé. Premier tacle qui fait prend jaune. Ça s'est bien passé. Oui, c'est ça. Premier tacle jaune et je sais plus qui en prend aussi, je crois sans que c'est 100 carré. Ouais, carré aussi, boum. De là, bon, ok, 5 minutes de jeu, 2 jaunes, tout va bien. Et puis alors, pas des jaunes, genre ton défense, tes deux milieux, entre guillemets, plus important. Donc, on avait le choix entre l'arbitre, l'affluence, l'eau qui arrose tout l'allant, je ne sais pas de quoi ça parle, et... C'est Sankaré qui est arrivé derrière pendant que tout l'allant était en train de se faire soigner et qui lui a balancé de l'eau sur la plaie. Et pour reprendre un sketch bien connu de Gad Elmaleh et de Olivier, la réponse D. Oui. Eh oui, sketch ô combien mythique si vous ne l'avez jamais vu. Oui. Qui veut gagner de l'argent en masse ? Et donc, Adrien ? Moi je croyais que c'était toi qui le faisais, vas-y, continue, t'as commencé. Ah, moi je donne les propositions après. Mais génial, j'ai quitté le truc moi. Bon, c'est à 40%, c'était l'affluence. Il y avait combien de personnes hier? 20 000 19 835. Ouais, 20 000 quoi. 35. C'est dans la moyenne. Bon, parce qu'en général, c'est entre 25 000 haute, la moyenne à Bordeaux. C'est 8 000, 8e affluence. Vous annonce qu'il y aura du monde pour Bastia, parce que je chambre Adrien, mais il y a un pack Bastia plus OM. Alors, oui, déjà ça. Mais c'est pas con, hein, ceci dit. Si tu veux faire venir les gens à Marseille, tu les et fais venir à Bastia. Et qui a été vendu en amont oh des la places. Vache. Ah ouais, il y a... Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais je voulais vous le dire. Ah oui, l'affluence. On est dans la moyenne, c'est-à-dire que Bordeaux en la général fait 20-25 000 de moyenne. Voilà. Bon voilà, il y a pas. Oh la vache! Ah ouais. Alors je suis désolé, il y a un match, mais de malade mental en Ligue 2, les enfants. Et il y a le frère de Diabé. C'est la de mi-temps. Maurice et il y a 2-5. Et il y a 5-3 pour Lens à Ajaccio. C'est vrai. Et c'est la mi-temps. Je vais le regarder en replay en rentrant. Mais ça a l'air d'être un match de taré. Et je me pose la question s'il n'y a pas le frère Diabaté sur le terrain. C'est de Maurice Bellet. Et c'est même pire que ça, mon petit, parce que Lens a ouvert le score à la 7ème, à 2-0 à la 25ème, ensuite 2-1 à la 29ème, 2-2 à la 32ème, 3-2 à la 35ème, 4-2 à la 39ème, 5-2 à la 45ème et 5-3 à la 46ème. C'est un match de taré. On va suivre la deuxième mi-temps. Arsenal est mené 1-0 à Crystal Palace. Ça aussi, ça fait plaisir. Et but de Cabaye, non, je déconne. Non, Thompson. Flamini ? Non, Thompson. Oh, dommage. C'est que la 35ème, hein, on s'emballe pas. Alors. Non, toi, t'es vraiment pour le messieurs c'est pas possible. Et Alexis, tu vas préparer le résultat du sondage Twitter. Débat. On parle souvent. Oula vache, il va falloir le tenir jusqu'à 10h celui-là, ça va être long. On parle souvent de la KLM. Camano, Laborde, Malcolm. Mais le milieu de tout l'allant, Sankaré, Vada, est-il sous-estimé? Eh bien, on a eu envie de se poser la question parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la renaissance de l'attaque girondine qui était un peu moribonde en décembre et puis qui là depuis janvier enchaîne but sur but. Cyril, à juste titre, se plaignait que sur, rappelez-vous, avant décembre, ouais, en 5 matchs, ça marquait un but et encore, c'est un but contre son corps, machin, tout ça. C'était pas faux. Mais, est-ce que les bons résultats de cette attaque de feu bordelaise ne sont pas aussi extrêmement dépendants du milieu de terrain ? Parce que, par exemple, le match à Angers, les enfants, où tu n'es pas du tout au milieu de terrain, je pense notamment à Plasil qui était complètement à l'ouest, ça a complètement déséquilibré ton équipe et du coup, ton attaque était moins performante. Donc, est-ce que on sous-estime pas un petit peu ce milieu Toulalan Sankaré Vada et surtout l'apport de Toulalan et surtout de Sankaré depuis janvier ? Tiens, qui veut se lancer ? Vas-y. J'y vais alors. Thomas, Louis, qui vous voulez. Bah si, forcément. Enfin, je veux dire, l'attaque, c'est forcément conditionné par rapport à ton milieu. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde en attaque. Si t'as pas un bon milieu qui relaie le ballon, ça servira à rien. Énormément de profondeur au jeu. Déjà, il est gaucher et il manque un gaucher à ce milieu. Ce qui permet de notamment de déborder sur Camano qui est beaucoup plus libre et permettre à Vada de se pencher un peu plus sur le jeu offensif. Parce qu'avant, il n'y avait que Toulalan ou lui et donc Vada était obligé d'avoir un travail défensif qu'il n'a plus à faire maintenant. Du coup, ce qui libère Vada, ce qui permet et de partir beaucoup plus rapidement en contre parce que Sankaré et Vada sont très rapides du coup. Et il est assez sous-estimé parce que je vois mal, alors à part bien sûr les trois premiers, mais pour moi Marseille a un moins bon milieu que nous, Saint-Étienne a un moins bon milieu que nous, Rennes, tout ça, c'est moins fort que... À part Paris, Monaco. Si, Paris, Monaco, Nice. Même Lyon, franchement. Je suis pas persuadé. Nice, et si. Encore, ils ont... Si, Nice, parce que Seri est quand même assez bon cette année. Bon, après, il n'y a plus Cyprien qui était blessé, mais qui était quand même très très bon. C'est la VST, ouais, version sous-titrée, ou alors il y a la SVT aussi. Donc voilà, donc je pense qu'on a quand même l'un des meilleurs milieux des équipes qui visent, en tout cas l'Europa League, on a voire le meilleur milieu... du ça championnat fait même quoi. Longtemps qu'on n'avait pas un milieu de terrain des équipes qui visent équipes qui visent l'Europe. Il faut m'écouter aussi League. C'est le principe voilà d'un dialogue c'est qu'on s'écoute oh putain faudrait que tu fasses une émission en espagnol un jour tout en espagnol si tu veux on comprend rien mais bon je sais vas-y esta là les milieux de terrain esta les milieux de terrain que Younou c'est el jugador el pancalé es muy bueno el rapace de Ramano et que le Ramano ouais d'accord c'est dire jambon Camano en fait on l'a ça veut dire jambon en fait Ramano plusieurs jambons non mais c'est vrai ça fait plaisir ça fait longtemps qu'on n'a pas c'est vrai regarde genre Marseille ils ont, à part Sanson qui est quand même un bon joueur, vainqueur, c'est ouais, bof. Vainqueur, et encore, bon, Diarra s'est barré. Voilà. Saint-Etienne. Saint-Etienne, voilà. Non, Saint-Etienne, c'est et Lyon, Gonalon, et de plus en... Enfin, même les supporters lyonnais peuvent plus voir Gonalon. Enfin, Je crois que Vada, c'est l'un des joueurs. Et il faudrait que je vérifie, mais j'ai eu la sur la phase retour et le plus impliqué à marquer le plus de buts en tant que milieu relayeur. Ah oui, tu vas le vérifier comment ça ? Ben tu regardes tous les matchs et tu prends tous les milieux relayeurs. Sérieux ? Mais bon, non, si mais il vous doit voulez pas une autre stat, ça marque beaucoup quand même. Si vous voulez une autre stat sur le depuis le match de Lille, c'est 5 Vada, buts. Vada il a marqué passé. Contre Toulouse, contre. Non, non, mais c'est 5 buts, une passe depuis le match de Lille en Ligue 1. Ça veut dire 6 matchs, 6 fois des. Pas mal. Plutôt pas mal. C'est... Non, non, mais c'est intéressant. Mais ça, c'est grâce à quoi ? À mon avis, c'est grâce à l'arrivée de Sankaré qu'il a libéré d'un poids et maintenant il est tranquille. Je peux vous reprendre sur un truc ? Oui, tu peux. On a fait une émission le 31 janvier au 1er février, donc dernier jour du mercato. C'est le nombre de sceptiques autour de la table quand pas j'ai moi, annoncé avec mon téléphone l'arrivée de Sankaré. On était deux, camarades. Moi, j'étais pas sceptique. Moi, toi, je m'en rappelle toi, pas. Parce que, je prenais sur FIFA 14, parce que moi, je m'en souviens, t'as raison. Moi, je m'en souviens vous avoir dit si Gourvenec le prend, il a eu 4 ans sous sa tronche. Thierry nous disait ouais, mais c'est un footeur oui, de merde, il va nous casser les couilles. Bref, moi, je dis si Gourvenec le prend, il a eu 4 ans sous sa tronche. Je pense que quand même, il sait ce qu'il fait. Et... Après, je comprends aussi les sceptiques. À Lille, il était pas. Il était nul à chier quand après, même. Après, c'était ouais, le gros point. Ouais, il faut être honnête. C'est toujours pareil. Oui, qui n'était pas nul à chier à Lille jusqu'à. Non, mais je suis complètement d'accord. Avec toi, mais tu peux aussi te dire que oui, c'est un joueur bon pour Guingamp, mais quand s'il vient dans un grand club du standing de Bordeaux, c'est-à-dire un peu ce que se rapproche de Lille, tu te dis il n'arrive pas à passer le tas. Allez, avant de poursuivre, on va accueillir un auditeur. Bonsoir Marsal. Bonsoir. Tu joues à Guingamp ? Bonsoir. Ça va Rico ? Oui, ça va et vous ? Ben ma foi mon grand bien. Mmh. T'étais à Guingamp ou pas ? Non, t'as pas enchaîné quand même. Où ça, de quoi ? T'étais... à Guingamp. Pourquoi tu veux que je sois à Guingamp ? Non, non, non. Mais non, parce qu'on parlait de Guingamp et je sais ouais, pas pourquoi. J'ai eu un spasme. J'ai bouffé du poisson. En plus, j'ai pas bouffé, j'ai faim. Bouffe du poisson. Alors, On parlait du milieu de terrain. Il m'intéresse vraiment parce que c'est pas moi qui l'ai proposé, mais nickel, parfait. Bravo à celui qui l'a trouvé. Parce que il est relié à la vision du foot qu'on peut avoir dans l'ensemble par rapport au fait que quand une équipe tourne, comme c'est le cas de Bordeaux en ce moment, on va forcément mettre en avant les attaquants, alors que c'est vrai que si on regarde, je pense que ce milieu est plus important dans notre réussite que les attaquants. Le milieu actuel qu'on a, ça correspond avec le moment où on joue le mieux de la saison, et c'est vrai qu'il est, pour moi, il est plus important que les trois attaquants. Par contre, vu qu'il est très récent encore, parce qu'il faut pas oublier que Sankaré, Vada et Toulalan, je sais pas s'ils ont joué 10 matchs tous les trois, parce que Sankaré, il est là que depuis fin janvier, donc il a joué une douzaine de matchs, ouais. Et sur les 12, il les a pas tous joués avec Vada et Toulalan, donc ce milieu, au final, il a que 8 ou 9 matchs en commun, et encore, je suis même pas sûr. Donc après, au regard de l'ensemble des gens, moi je trouve pas qu'il soit forcément sous-coté, dans le sens où il n'a pas encore assez prouvé. Nous, on est supporters de Bordeaux, on voit tous les matchs, donc on va forcément remarquer qu'il est bien, mais j'en veux absolument pas à ceux qui voient pas tous les matchs de Bordeaux, et encore moins depuis les 10 derniers, quoi. J'en veux pas de dire « ouais, mais c'est pas non plus fou, parce qu'il y a Ouais, mais l'intégration de ce garçon est quand même hallucinante. Le mec s'est quasiment rendu indispensable en, rappelez-vous, en quoi, en 3-4 matchs, ça y est, boum, le mec, il était installé, ou même pas. J'ai marre que mettre Grosvenac en place, voilà. C'était le chaînon manquant, c'est ce qu'on dit. Tiens, Thomas, on t'a pas entendu sur... Ouais, non, moi, je voulais réagir par rapport à ça. Parce que Rico, il nous dit qu'on moins mis en valeur que les attaquants dans le foot en général. Ouais, c'est quand juste que du coup il faut les réhabiliter un peu. Après c'est normal. C'est le jeu, c'est comme au Ballon d'Or, t'as toujours les joueurs qui marquent. D'accord avec toi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce qui est bien à Bordeaux, voilà, c'est que tu regardes l'attaque, elle s'est bien trouvée, le milieu de terrain il fonctionne bien, on a enfin trouvé la défense qui est bonne, je veux dire, on arrive à être assez complet, c'est intéressant. Ouais, aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, les points qui vont mal à Bordeaux, c'est des points individuels. Genre, tu peux dire que Menez, c'est un échec, tu peux dire qu'il y a peut-être un ou deux joueurs sur le banc que tu te dis, s'il y a un blessé dans les titulaires, le remplaçant va pas être au niveau, mais c'est des problèmes qui sont assez marginaux, je sais pas. Parce qu'au final, l'effectif, il tourne. Hein. Quelle équipe, de toute façon, on n'a pas de soucis, même les plus grandes équipes, à leur échelle, elles ont des problèmes. Tu te dis, si tel joueur titulaire à son poste se blesse au Real ou je sais pas où, le remplaçant sera moins bon, ça va affaiblir l'équipe. Ah oui. T'en laisses quand même au PSG, je suis pas sûr niveau. Que voilà. Ouais, puis même, alors le seul défaut qu'on pourrait peut-être, le seul bémol qu'on pourrait peut-être y amener, bah, c'est que si l'un des trois n'est pas là, et malheureusement ça va pas, alors bon, Arambari on va pas le juger parce qu'il joue tellement peu, mais je pense notamment à Plasil. On va en parler en deuxième heure. Ça coince un petit peu. On l'a vu arranger quand Plasil est pas là. Quand ça coince un peu. C'est-à-dire que si t'as pas les trois en même temps au top de leur forme, c'est déjà un peu plus délicat. Plasil il avance plus. Ouais. Voilà. Bon, Plasil, moi je le juge pas sur le match d'Angers parce que c'était vraiment le. C'est facile à dire après coup, mais pour moi c'était vraiment le pire match pour le relancer. Dans une équipe où il y avait pas que lui qui était intégré, il y avait un turnover d'ensemble. C'est vrai. Tu mets Plasil au milieu d'Endoy, Mangani et Santa... Santa Maria, oui, voilà. Très bon joueur, en demeure. Ouais, bon joueur. Franchement, autant Endoy, il est vraiment physique, autant les deux autres, ça joue mieux au ballon. Mais Plasil, il n'a pas existé, mais comme tout Bordeaux, malheureusement. Et puis là... Oui, Adrien. Non, mais je pensais à un milieu, moi, qui me plairait bien. Bon, après, il est un peu perdu en ce moment. Mais... Non. C'était quelqu'un qu'on pourra avoir en complément, qu'on pourrait relancer. Bonne et merde. Je verrais très bien s'adapter au schéma, c'est Cornier. Oh là là. Le mec il perce pas à santé, c'est ça? Il perce pas à santé parce que le schéma de jeu n'est pas fait pour lui à santé. Pas forcément. Non mais arrête de vouloir relancer forcément... des mecs. Oui, après, il y en a, ils ont dit non, mais non, mais on peut faire que ça, Bordeaux. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. 1 ou 2 millions, moi, j'ai dit, il faut essayer. Mais après, alors, on parlait bon. Actuellement, c'est pas la priorité du mercato. On a beaucoup parlé de. Les Stéphanois, regarde. Il reste 4 minutes avant la pause. 9 minutes avant la pause, puisqu'on fait la pause à moins 5. On a beaucoup parlé de Sankaré, mais faut quand même aussi parler du... Alors, même si Vada, lui, est assez régulier, on va dire, depuis le début de saison, mais c'est surtout Toulalan. Ouais. Il a progressé quand même. Moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup progressé. Il est en progrès, on va dire. Il a progressé, mais c'est surtout Toulalan qui était très moyen, qui a eu beaucoup de mal jusqu'à décembre et qui depuis décembre le mec ça y est quoi. C'est exactement ce que dit Rico. Quand Vada et Toulala ils sont pas là, on le sait. Non mais Toulala, il avait dit dès le début de l'année qu'il avait besoin de temps pour être opérationnel et on l'a vu, il a eu besoin de 6 mois en fait. Et là depuis janvier il est quand même parfait, mais on n'a rien à lui reprocher. J'espère que l'an prochain il fasse pas pareil. Non. Mais après il a fait pareil avec Monaco, rappelez-vous. Mais il avait été bon jusqu'à son match de Nantes et sa blessure. Après, c'est vrai qu'après il s'est blessé. Mais il y a aussi le schéma de jeu qui n'était pas forcément fait pour lui. Il avait été très bon en amical et jusqu'à Nantes. Le schéma de jeu n'était pas fait pour lui, donc voilà. Sinon pour le mercato, c'est vrai qu'il est mieux depuis le 3 lui. Oui. Et puis l'arrivée de Jovanovic lui a fait du bien aussi, puisqu'il était plus obligé de redescendre aussi de temps en temps, comme il l'avait fait une fois ou deux, je crois, en défense centrale. Pour moi, ce mec, c'est une énigme. Je sais pas ce qu'on va en faire. Jovanovic. C'est pas compliqué, hein. Soit tu le rachètes, soit tu le rachètes pas. C'est à la poubelle. Aussi simple que ça. C'est sa balle, il a priorité des Girondins. Bah ouais, mais. L'argent est compté à Bordeaux. Débat, retour de prêt. Je pense que cette année, bon, apparemment, va quand même y avoir un petit déficit, mais il sera très léger. Enfin, très léger à l'échelle du foot. On devrait pouvoir s'en sortir en vendant Pablo, peut-être en arrivant à vendre Crivelli, qui reviendra de son prêt, qui met quelques buts. Bah, c'est dommage. Je dis pas qu'on va faire des folies, mais je pense qu'on aura un peu plus de marge de manœuvre pour recruter des petits mecs à 3-4 millions. Surtout que le club a annoncé que apparemment pour cet été, il serait pas obligé de vendre pour recruter. Alors après, c'est peut-être que de la com aussi pour aux autres clubs, leur dire les gars, si vous les voulez, il faudra vraiment venir les chercher. Puis l'Europa League, ça va faire rentrer un peu de sous. Puis voilà. Et puis l'Europa League, ça va peut-être surtout t'aider à garder, mais pourquoi pas Vada, Une question à la con, si on finit. On a budgétisé la 7ème place comme on le fait depuis quelques années, et pour une fois, on devrait être au-dessus. Si on finit 5ème voire 4ème, par exemple, je crois que 4ème, c'est directement les poules. Et 5ème, c'est qu'un tour. T'as un match aller-retour. Ouais. Donc tu gagnes. Sauf que, t'es pas tête de série dans les chapeaux. Les têtes de série, c'est les recalés de Ligue des Champions. Mais c'est bidon, ça, quand on avait gagné la Coupe de France, on avait été qualifié directement pour les poules. Oui, non, mais là, t'es parce que t'as gagné la Coupe de France. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Alex disait le 4ème va direct en poule. Je crois que c'est le vainqueur de la Coupe de France qui va direct en poule. Ah non, je crois que le 4ème il est automatiquement qualifié. Ah, mais oui, non, mais c'est bizarre. Oui, non, je crois que le 4ème il est qualifié direct. Le 5ème fait un tour et le 6ème en fait. Je pense que c'est ça. Et Saint-Etienne et Bordeaux, on en fait deux l'année dernière. Donc c'est faux. De quoi Il a raison, mais Saint-Etienne et Bordeaux, on en fait deux tous les deux. Mais oui, mais 5ème et 6ème. Oui, 5 et 6. Et c'était qui 4ème l'année dernière? C'était Marseille, non? Nice. Qu'on fait directement les poules. Non, c'était pas Nice, c'était Marseille. Non, Nice. Non, Lyon est 2ème et l'an dernier. Monaco est 3ème et Nice est 4ème. Ouais. Ah non, mais il y a 3. Vu que nous, quand on joue à l'Europe, c'était à. On l'a joué l'an dernier. Bah oui, mais oui. C'était Nice qui on jouait est allé l'Europe à Krasnodar, je sais pas où là. Oui. Non, je crois que c'était Lyon. Non, c'était Monaco. L'année dernière, c'est Paris. Non, mais les gars, vous avez un Paris, problème. Lyon, Monaco, on parle Nice. De, cherchez nous, pas. On a joué l'Europe en début de saison dernière. Oui, donc voilà. C'était la qualification de l'année d'avant. Peu importe, à la limite, on s'en fout. C'est ça, mais je veux dire, Marseille. Saint-Etienne et Bordeaux, on fait deux tours. On a posé la question sur. On a posé la question sur Twitter. Et ben, c'est quand même pareil. C'est un score africain. On a posé la question sur Twitter. La SVT ou TSV ou appelez-la comme vous voulez est-elle sous-estimée? Et ben, bon, honnêtement, on pose des questions. On est à peu près sûr de la réponse. 91% de oui. Et on a le bien les nommé. Les gens sont dans l'abus. Ce milieu, il a même pas 10 matchs en commun. On est déjà en train de déclarer qu'il était sous-côté alors que. Non. Les gens qui ont voté, Par rapport. Mais non, mais faut les questions, c'est important aussi. Les mots, ils ont. Par rapport à ce qu'on dit sur la KLM, est-ce qu'on sous-estime pas un peu ce milieu? C'est ça, on dit pas est-ce qu'il est plus fort ou moins fort. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ou pas la nuance? Oui, enfin bon, pour moi c'est léger, pour moi je suis pas sûr que les gens l'aient compris comme ça. C'est pas faux non plus. La manière dont elle est posée sur Twitter, vu que les caractères sont comptés, on n'a pas pris la place d'écrire par rapport à KLM. Et on a le bien nommé Alexis Sanchez, sur Twitter. Ah, on le salue, il est bon, lui. Qui nous dit: je vote oui, mais mitigé. Sur le papier, c'est pas du tout glamour pour quelqu'un qui regarde la Ligue 1 comme ça. Pour nous, c'est clairement fort. C'est vrai que quand tu regardes ce milieu, bah, oui. Putain, Toulalan, il a 38 ans. Vada, enfin, Toulalan, Vada, c'est un prépubère, ouais, enfin, il a pas un poil sur le menton. Toulalan, ça a toujours été un super bon joueur. Sans carré. Tu dis ça. Oui, mais il dit c'est pas glamour, c'est pas Verratti, Mathieu. Toulalan, c'est quand même chouette. Enfin, je sais pas, Toulalan, c'est international français, joue à Monaco. Ça veut dire que la moitié des gens qui regardent les Girondins ne connaissent pas le foot. Bah Alexis, tu tombes de l'arbre ou quoi? Non mais oui, évidemment. Moi tous les jours, Toulalan et Vada, je les veux dans mon équipe. Mais parce que t'es supporter de Bordeaux mais et tu suis le foot et les Girondins. Mais pas du tout. Le... Bah pour Vada, d'accord, mais pour Toulalan quand même si. Toulalan c'est quand même un super joueur. Vous écoutez pas. Il dit pour quelqu'un qui regarde la Ligue 1 comme pas. Ça. Oui, voilà. Et il a raison. Enfin, quelqu'un qui regarde la Ligue 1 comme ça, il a forcément déjà entendu parler, ne serait-ce que des exploits de Di Maria, de Monaco. Un footix, ben, oui. Quelqu'un qui regarde la Ligue 1 comme ça. C'est, c'est ce qu'il dit dans son tweet, notre ami Sanchez. Donc, Et vous vous rappelez de Maxime Lopez? Non, rien. Oh, c'est quoi le... Non, mais parce que Maxime Lopez, apparemment, c'était le meilleur milieu. Ah, le portugais là? Non, mais pas non, le marseillais. Ah oui, Maxime, ah oui. Ah, non, on l'a encensé ils se sont enflammés, malheureusement. Alors qu'il faut qu'il prenne son temps. Mais il est bon, Adrien. On n'est pas là pour parler de lui, mais il est très bon. Honnêtement, on a eu le débat tout à l'heure avec Thomas dans la bagnole. À chaque fois, mais c'est une catastrophe médiatique, les médias, que ça soit. À chaque fois qu'il y a un joueur qui a 18 ans. Qui sait faire deux dribbles, ça y est, le mec, Tolisso, Ferry, Mbappé. Nasri, Ben Arfa, Ghezal, Benzia, Kalulu, je vais tous vous les faire un par un, ça y est, les mecs, c'est oh putain les pépites. Non, mais faut arrêter, Lopez Maxime... il a 18 ans, il va faire banquette. Nous, on y échappe un peu avec Malcolm. Ouais, nous on y échappe un peu. Mais, ouais, parce que c'est Bordeaux. Mais Maxime Lopez, il aura le temps, mais... On disait de Maxime Lopez c'était l'un des meilleurs joueurs vu qu'il avait 88%. Non. Tu dis ça parce que Pacia arrête. Non, tiens n'importe quoi. Maxime Lopez il est jeune. Mais... Voilà, il a rien prouvé. On parlera de lui quand on parle avant-match. Dans les discours qu'il y avait et regardez, on disait que c'était l'un des meilleurs. C'était un très bon milieu parce qu'il avait 88% de possession de balle. Et par contre, on n'entend pas un mot sur Vada qui, depuis un mois, Adrien, écrit tout. C'est très bien. Non, mais tant mieux. Qui continue, c'est... franchement, c'est... moi, c'est tu vois. Mercato, honnêtement, des offres, mais vous savez, on n'a pas parlé. Tiens, c'est les médias. Sur le chat, il y a Yohan de la Tribune Gueule qui nous dit, et c'est vrai, c'est les quatre exemples que j'aime, moi, à chaque fois, ressortir à chaque fois. Meriem, Karim Ziani. Enfin, ça fait 3 pour le coup. Et Mourad Megni. Rappelez-vous, ces 3 joueurs-là. Karim Ziani, j'ai pas souvenir qu'on l'ait monté si haut que ça. Ouais, Karim Ziani, quand il était à Marseille. Oh, tu es fou, à Sochaux. Non, successeur, le machin, le truc. Marvin Martin. C'est des mecs qu'on a cramé, mon gars. Oh, Marvin Martin, il a sa une avec marqué le Non, mais Gourcuff, le successeur. Écoutez l'interview de Gourcuff qui a très bien résumé ça. À ce propos, d'ailleurs. Où il a dit le jeu des comparaisons. Alors, c'est flatteur au départ et puis après, ça devient malsain. Il y avait un super reportage aussi sur, je sais plus où j'ai vu ça, sur Canal 19h30 Sport, je crois, où à l'époque, Rico, tu vas peut-être m'aider, c'est Jean-Marc Ferreri qui arrive derrière Platini en équipe de France. Non, c'est J+1. Oui, J+1. Et pareil, Ferreri, le successeur. Et le mec, il dit, mais ça l'a cramé. Il dit, vous vous rendez pas compte. Bien qu'ils vendent des journaux. Hein. Ouais, non, mais voilà, non. Je il m'en dit, les mecs se rendent pas compte. Monaco demain, Et là où j'ai été choqué, c'est que Platini, je ne savais pas, quand il arrivait en équipe de France, il a décidé de jouer sans numéro 10. Oui. Et ça, c'est... Allez. C'était Jean-Michel Larios. Oh, oui, tout... non. Si. Si, si, si. Bref. Grand rival. On va vérifier à la pause. On va faire la pause. Rico, si tu veux nous rappeler après la pause, il n'y a pas de souci. Sinon, tu vas manger. Non, je vous laisse. Je vais manger. Mon petit Rico, on te retrouve. On est quoi là? Lundi soir. On te retrouve vendredi si t'es là. C'est possible, en direct. Ouais. Tu vas roder sur le chat et sur Twitter. Pour. J'aime bien la question que personne se pose ce soir, mais elle manque un peu d'acidité, je trouve. Et du coup, on l'a pas posée. Ok, on va faire la pause. Merci, mon petit Rico. On te retrouve très rapidement dans l'émission. Et puis, bah, écoute, nous, on se tient au jus. Bonne soirée. Ça marche. Merci. Ciao, mon gros. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Messieurs, on va faire la pause. On se retrouve dans quelques instants. Je crois pas avoir oublié grand chose. On se retrouve dans quelques instants. Donc, dans Girondin Analyse. C'est l'été. Il fait beau. Si vous n'êtes pas chaud à Bordeaux, il fait 26, 27 degrés l'après-midi. Donc, forcément, je me suis dit, tiens, pour la pause, on va mettre deux petites musiques. Collectif métissé. Non, mais c'est moi. Donc, c'est deux musiques. que moi personnellement, t'es au bord de la mer, t'as ton petit verre, t'es en terrasse, ton petit parasol, t'écoutes ça, t'es crème, t'es flex, t'es bien. T'es allez, métal. Je vous laisse. Non. Je vous laisse. Mais non, mais vous êtes pas bien, les gars. Je vous laisse découvrir ça. On se retrouve tout de suite après dans Girona Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. Il y aura un point sur la Ligue 1. Il y aura Bordeaux peut-il aller chercher la 4ème place. Le sondage sur la fin de saison des Girondins. Le débat au choix, Roland ou Plasil. S'il y a le temps, le Sekiki. S'il n'y a pas le temps, on fera la QQPNSP.